Bercé au cours de ma vie, au cours des épreuves difficiles quand on est seul, mais tu l'as fait mieux qu'on pouvait. À toi qui représente tout, qui éclaire mes jours, même quand mon ciel semble s'assombrir, tu m'illumines de ton sourire. À toi ma mère, celle que j'aime, je t'aime tant, oh je t'aime tant, je t'aime tant, oh je t'aime tant, je t'aime tant, oh je t'aime tant, je t'aime tant, oh je t'aime tant, yeah. Tu étais là dans les joies, tu étais là dans les peines, tu représentes tout pour moi, tu es mon modèle, ma reine. Sache que pour toi je donnerai ma vie, je sais que pour moi tu as fait des sacrifices, tu es fier de moi et sache que ton fils. Je t'aime tant, oh, je t'aime tant. Je t'aime tant, oh, je t'aime tant. Je t'aime tant, oh, je t'aime tant. Je t'aime tant.